silence est d'or, et déjà elle dort. La nuit descend, s'allonge et s'enroule à son corps. Lui dehors marche encore dans les rues du port, dans les rues du port. On ne pleure pas au matin, le départ des marins. Juste un regard qui se perd, qui trahit des chagrins. Mais le vent, trop souvent, leur inflige ses tourments, leur inflige ses tourments. Et la peine qui s'oublie dans la bière. Des femmes en noir vont deviner accrochées à l'espoir. Et la mer porte au loin les histoires de marins, les histoires de marins, les histoires.